Je veux consommer du hash d'Espagne. Fume, fume, fume, fume. Puis m'en aller comme Abdeslam. On ne juge pas quelqu'un par sa taille. Moi je prends ta femme par la taille. J'éjacule sur des corps moisis. Et des fois sur des bonnes poitrines. Direction l'aéroport Roissy. Sentimental comme rock voisine. Salope, salope, salope. Un projet X avec ta chatte. Un projet X avec ta chatte. Je la mets dans ma story de Snapchat. Salope, été, hiver, slalom. Squat, squat, squat, squat. Survie comme Sylvester Stallone. Tu veux quoi avec ton corps de nain? Tu vas sucer mes pommes de pain. J'ai du sang sur la paume des mains. Salope, salope, salope, salope. T'es riche, tu seras pauvre demain. Méga pute, méga pute. La boulangerie française vous offre un millefeuille. Projet X, projet X. Dans mon slip j'ai ce que toutes les mille veulent. Plan A10, plan A10. La boulangerie française vous offre un millefeuille. Projet X, projet X. Dans mon slip j'ai ce que toutes les mille veulent. Plan A10, plan A10. La boulangerie française vous offre un millefeuille. Cannabis, cannabis. Dans mon slip j'ai ce que toutes les mille veulent. Tu passes 10, tu passes 10. La boulangerie française vous offre un millefeuille. Projet X, projet X. Dans mon slip j'ai ce que toutes les mille veulent. Plan A10, plan A10. Mais les coups tu fermes la boutique. Fais plus de projets mal abouti. Méga pépé. M'en bats les couilles de Malek boutique. M'en bats les couilles de cette méga pépé. La célébrité sale abruti. Roule un bon pète et j'suis pompette. Fume, fume, fume, fume. Sous la tempête j'baisse ta conquête. Exactement, exactement. Rien à branler de ta gonflette. Pute, pute, pute. Alka est prêt pour la compète. J'suis prêt pour la guerre, méga pupute. Respectez mon conglomérat. Respect juste, respect juste. Moi j'crois pas au conglomérat. J'crois pas en ces méga pupute. Depuis Africa Bambata ou l'époque de la Lambada. Y'a toujours eu des grands carbas. Salope, salope, salope. Je calcule pas ton clan de bâtard. Jamais, jamais, jamais. On fait de la thune, j'comble mes lacunes. Exactement, exactement. Sous la lune, j'viens de plomber l'anus. Ra, ra, ra, ra. La boulangerie française vous offre un millefeuille. Projet X, projet X. Dans mon slip, j'ai ce que toutes les mille veulent. Plan A10, plan A10. La boulangerie française vous offre un millefeuille. Projet X, projet X. Dans mon slip, j'ai ce que toutes les mille veulent. Plan A10, plan A10. La boulangerie française vous offre un millefeuille. Cannabis, cannabis. Dans mon slip j'ai ce que toutes les mille veulent. Tu passes 10, tu passes 10. La boulangerie française vous offre un millefeuille. Projet X, projet X. Dans mon slip j'ai ce que toutes les mille veulent. Plan A10, plan A10.